voyant le bon côté des choses, il ne se perd pas comme ça. Il revient sur lui-même et il tournait en rond Christophe Willem. Ah, programmateur chez France Bleu la nuit, very good trip. France Bleu Collector, c'est nos limites sur les pépites. France Bleu Collector, le programmateur de France Bleu à carte blanche, chaque soir de la semaine, 22h-1h. France Bleu Roussillon vous invite au concert de Covertramp. Covertramp, tous les tubes que nous avons chantés pour le plus bel hommage à Supertramp. Covertramp en concert, vendredi 22 septembre, au Palais des Congrès de Perpignan. Gagnez bientôt vos invitations sur France Bleu Roussillon. France Bleu. Découvrez l'exposition Guinot Renoir, la couleur de la sculpture au musée d'art Hyacinthe-Rigaud de Perpignan. Un parcours inédit qui réunit plus de 200 œuvres du sculpteur catalan Richard Guinot. Une occasion d'admirer l'ensemble des sculptures qu'il réalisa en collaboration avec Auguste Renoir. Rendez-vous du 24 juin au 5 novembre. Info sur musée-rigaud.fr. France Bleu Roussillon, numéro 1. Première radio à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales, aux côtés des Catalans. France Bleu Roussillon vous dit merci. Sang et or jusqu'au maillot. Tu trouves qu'il me va bien ? Yeah, bébé, beau gosse ! Les petits baigneurs de France Bleu Roussillon vous couvrent de cadeaux. Comme par exemple un menu champagne au grand buffet de Narbonne pour deux personnes, ou encore envoyer toute la famille au parc de loisirs Argelès Aventure, Canyoning Park et le Drop-in Water Jump Park. Ça a été le cas justement de Maud qui va partir en famille du côté d'Argelès pour passer un bon moment. Il y a des passes famille aussi pour le mini-golf de Canet-Sud, tout ça en bord de mer à Canet-en-Roussillon. Décrochez maintenant votre téléphone 04 68 35 5000. Cause when your heart is weak, Adorez-nous aussi, Cock Robin, When Your Heart Is Weak. Tout l'été, il vise pour vous la bonne bouée. Les petits baigneurs de France Bleu Roussillon. Et c'est comme ça qu'ils ramènent les passes familles pour le film de votre choix au cinéma de Perpignan-le-Castillet ou au Méga-Castillet qui lui se trouve route d'Argelès. Des passes pour la forteresse de Sals ou pour l'Acrobranche à Extérieur Nature Aventure du côté de Marquichane. Bonjour Emmanuel. Bonjour France Bleu Roussillon. Comment allez-vous Emmanuel? Ça va, très bien. En attente des vacances. Emmanuel, notre soleil. Vous connaissez? Oui, je connais. Vous connaissez la chanson? Oui. Petit cadeau. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel, devant mes yeux, la vraie merveille. Ah, merci, ça donne du courage. Avant les vacances, ce week-end, ça donne du courage. Ouais, vous aussi, vous partez en vacances hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Et combien de temps alors? 15 jours, 3 semaines? 15 jours. Ok, très bien, ça suffit 15 jours. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. En famille, j'imagine? Oui, en famille. Ah, allez, on va voir ce que vous avez pour, comme cadeau, si le petit baigneur amène ce cadeau de la bouée. À vous de l'encourager. Elle est où cette bouée? On y va, allez, go petit baigneur, on est derrière toi, go le petit baigneur. Allez, encore, il faut arriver à la bouée, petit baigneur. Emmanuel. Oui. Passe famille pour 4 personnes, c'est bon? Oui, très bien, impeccable, on est 4. Vous êtes 4. Vous allez devoir les compter puisque vous allez aller voir 500 tortues. D'accord, ok, très bien. Une trentaine d'espèces dans un parc de 2 hectares. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'animaux, il y a des suricates, mais il y a les tortues. La plus grosse, elle pèse 250 kilos, elle s'appelle Bouffy. D'accord, ok, très bien. Ça va faire plaisir à toute la famille, c'est une belle balade. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, ça s'appelle La Belle et la Tortue. Et c'est à Sorède. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Encore un petit coup d'Emmanuel? Allez, si vous voulez, c'est parti. Emmanuel comme un soleil. Voilà, en attendant, après-demain, les vacances pour que vous puissiez passer en famille une belle soirée. Merci Emmanuel, à bientôt. D'accord, merci beaucoup. Les meilleurs loisirs des PO à gagner tout l'été, avec les petits baigneurs sur France Bleu Roussillon. Ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du... des kilomètres. Ça fait éteindre des abat-jour. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Christophe Mahé, vous l'avez bien sûr reconnu, associé à Amadou et Mariam. Et il chantait l'amour. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider à l'eau potable, et où il est, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez ? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. Département des Pyrénées-Orientales. Le château de Castelnau rouvre ses portes. Venez découvrir cette forteresse médiévale au cœur des Aspres. Visites, expos, événements. Prochain rendez-vous les 12 et 13 août pour les Nuits des Étoiles. Spectacle de théâtre jeune public. Atterrissage sur Mars en réalité virtuelle. Et à 21h, relaxation, observation des étoiles et contes du ciel sur la terrasse panoramique du château. Place limitée, pensez à réserver. Infos et tarifs au 04 68 84 69 20 et sur ledépartement66.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Roussillon. Et toutes les après-midi, entre 16h et 19h, c'est tout le monde dehors, l'occasion pour vous de vous balader à travers le département sans même quitter votre maison en écoutant la radio. Dans une dizaine de minutes, et on partira du côté de Sainte-Marie. On parlera des animations avec Alexandre. Belle fin d'après-midi avec nous. Quelle heure est-il ? 6h. Ah bah alors à 6h, à 18h, c'est l'heure de retrouver le journal en compagnie de Mathilde Enghi. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. La météo demain fera aussi beau qu'aujourd'hui. Du soleil partout dans le département, il va faire chaud, 35 degrés à Perpignan, 37 degrés à Totavel, 38 à Céré. En Cerdagne, 33 degrés avec de légères averses. Le vent sera calme demain également. La baignade est interdite à Polille. Un coup dur au pire moment de l'année. La préfecture maritime a ordonné cet après-midi l'interdiction de la navigation des bateaux, de la plongée et donc de la baignade dans toute l'Anse de Poli entre Port-Vendres et Banyuls. La cause, une pollution aux hydrocarbures. 400 litres de gasoil se sont échappés du réservoir. Dimanche soir, un bateau a fait naufrage au large de Poli. Les occupants ont pu être secourus, mais l'embarcation a sombré. L'épave était sous surveillance en attendant d'être remontée à la surface et les gendarmes maritimes y ont détecté une fuite ce matin. Plus d'infos à suivre sur notre site francebleu.fr. Un bateau en feu ce midi au large de l'embouchure du Tech entre Argelès et Saint-Cyprien. C'est le moteur qui a pris feu. Un homme et deux femmes à bord. Ils ont sauté dans l'eau. Un bateau de la gendarmerie maritime les a immédiatement secourus. Pas de blessures. Ils étaient juste choqués. Le bateau, lui, s'est échoué sur la plage. 11 pompiers et une équipe de la gendarmerie équestre étaient sur place pour éteindre l'incendie qui était terminé vers 15h. Les 11 personnes sont décédées dans ce terrible incendie en Alsace. La vice-procureure de Colmar l'a confirmé cet après-midi. Un gîte de vacances où séjournaient 28 personnes en situation de handicap a pris feu ce matin. À ce stade, l'origine de l'incendie n'est pas confirmée. La magistrate évoque un feu qui a couvé. Une enquête a été ouverte. La ministre de l'Intérieur, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place cet après-midi. Une récompense à chaque fois que vous triez vos verres. C'est ce que propose le programme Clink, qui fait son apparition à Canet-en-Roussillon. Le dispositif est national, mais c'est une première dans le département. Vous pouvez désormais cagnoter des points en téléchargeant l'application Clink, qui est gratuite. En se connectant avant de jeter son verre à la borne, vous gagnez des points. Ce dispositif s'adresse à tous, explique Stéphane Loda, le maire de Canet-en-Roussillon et vice-président à la communauté urbaine déléguée à la valorisation des déchets. Clink, c'est un dispositif qui vise à inciter nos concitoyens à trier le verre qui est valorisable à l'infini en les récompensant. C'est-à-dire que au bout d'une certaine quantité de bouteilles jetées, ben, vous allez gagner des points et ces points vont se transformer en bons d'achat chez des commerçants et notamment des commerçants locaux. Ça veut dire qu'on redonne du pouvoir d'achat par ce moyen. On a estimé à peu près c'est 100 euros à l'année. Et donc on redonne du pouvoir d'achat et puis on participe à l'activité économique du territoire. Notre objectif est d'arriver donc à être un bon élève et d'éviter qu'on retrouve cette matière et ces bouteilles dans nos ordures ménagères ou dans les emballages recyclables. Bon, l'idée clairement c'est de le généraliser, hein, bien entendu. Hein. Pour l'instant, seuls les déchets en verre permettent de gagner des points, mais la métropole travaille au développement de ce système pour d'autres types de déchets. 8 autres communes du département seront équipées d'une borne Clink d'ici la fin de l'année. Un motard entre la vie et la mort après un choc frontal en Cerdagne. Vers 16h30, la moto a percuté une voiture sur la RN20 à hauteur de la Tour de Carole. Le pilote, âgé de 30 ans, a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il a pu être animé sur place, mais ses jours restent en danger. La RN20 a été coupée pour permettre à l'hélicoptère Dragon 66 de se poser. La circulation n'a pas encore repris. Et la circulation qui, elle, sera extrêmement dense ce week-end. Bison Futé hisse son drapeau orange vendredi partout dans le sens des départs et dans le sens des retours aussi sur le pourtour méditerranéen. Samedi, le drapeau vire en rouge dans le sens des départs dans tout le pays. Le retour à la normale est attendu lundi. On s'intéresse maintenant à la formation des aides-soignants beaucoup plus rapidement au métier d'infirmier. Le gouvernement veut faire face à la pénurie dans les hôpitaux. Un arrêté a été publié début juillet. Ça concerne les aides-soignants avec au moins 3 ans d'expérience à temps plein qui pourront directement passer en deuxième année de formation. Certains syndicats s'y opposent. Pour eux, on ne peut pas rattraper la première année d'études d'infirmière si facilement, mais d'autres sont plus mesurés. Brice Dubray est délégué du syndicat CFTC à la clinique Saint-Pierre de Perpignan. Il faut chercher une solution parce que au quotidien, on a besoin de gens pour effectuer les soins. Les glissements de tâches, ils étaient effectués de façon un peu illégale parce que il y avait des obligations, des nécessités de service. Là, on vient y mettre un cadre complet et surtout que il y a là, pour le cas particulier des infirmiers et des aides-soignants, il y a un travail de proximité qui se fait. Les aides-soignants travaillent en général en binôme quotidiennement dans les services avec les infirmiers, donc c'est, ça paraît pas non plus aberrant, après un certain temps de pratique sur le terrain, de leur permettre de gagner du temps d'information. On fait le constat qu'il manque du personnel, on essaie d'être constructif, il y a pas 50 000 solutions, et de toute façon, en fait, il y a des garde-fous, hein, des stages, c'est une formation qui est très très pratique. Ces gens-là, sur le terrain, ils seront évalués et s'ils ne font pas l'affaire, ils n'iront pas jusqu'au bout de la formation. Pour Thierry Amoureau, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, il y a une mise en danger des patients. 6 syndicats de la profession ont engagé un recours devant le Conseil d'État. En rugby à 13, 2 matchs capitaux ce mois pour les Andy Dragons, champions de France la saison dernière et vainqueurs de la Coupe de France. Ils jouent d'abord la finale de la Challenge Cup dimanche 20 août à 14h à Sheffield en Angleterre contre Leeds. Ensuite, le vendredi 25 août à 19h30, ils joueront le premier championnat européen des clubs de rugby en fauteuil roulant au complexe Germain Nord de Cabestany contre Halifax, champion d'Angleterre. La météo 100% locale avec Sémillante, l'eau de source catalane, naturelle ou pétillante. Actualité à retrouver sur la page Facebook Sémillante. Alors Patrick, il va faire chaud ? Oui, il va faire chaud encore ce soir. Hein. On aura 29-30 degrés en soirée sur Perpignan, par exemple. 30 degrés également sur les Fenouillèdes ou encore sur le Val-Espire. 28 degrés sur la côte, à Banyuls, par exemple, en montagne. Il fera bon aussi, hein, avec une belle soirée, 23-26 degrés. Pour votre nuit, les températures baissent, mais pas tant que ça. 23 degrés sur l'essentiel du département, 18-19 degrés en montagne. Pas ou peu de vent, vous l'avez compris. Pour demain, jeudi, vous allez vous réveiller le matin avec une très belle journée encore annoncée par Météo France. Et de belles températures dès le matin, 25-26 degrés attendus dans la matinée, 22-23 degrés en montagne. Dans l'après-midi, on aura quelques nuages d'altitude pour le ciel, mais toujours beaucoup de soleil et des fortes chaleurs encore, puisqu'on parle de 36-37 degrés, notamment sur Céré. Voilà Mathilde, prochain rendez-vous avec l'information. À 19h. Tout le monde dehors. Tout le monde. Jusqu'à 19h sur France Bleu Roussillon. Bleu Roussillon. Et nous, pendant une heure, on a plein de choses à vous dire, à vous expliquer ou à vous faire gagner. À vous faire gagner, tiens, par exemple, des invitations pour la cerise sur le château. Le festival démarre vendredi sur 3 jours au château de Biry. Un festival France Bleu Roussillon à serrer avec très belle programmation pour vendredi, samedi et dimanche. Restez à l'écoute, je vous donnerai le top départ. Il y a nos rendez-vous avec les petits baigneurs aussi. Et puis, on va vous parler cinéma avec la programmation qu'il y a actuellement au CGR de Rivesaltes. On ira faire un tour à Sainte-Marie pour savoir ce qui s'y passe. De belles animations qui sont proposées du côté de Sainte-Marie pour vous qui êtes en vacances là-bas au mois d'août. Vous allez pouvoir vous régaler. Il y en a pour tout le monde, pour les petits, mais également pour les grands. On n'oubliera pas une petite balade dans le jardin de Jérôme Nollet. C'est en compagnie de Sébastien Giraud. On vous fera un point météo des plages, justement, avant de donner la place à l'information, suivi de Johan Rock pour son fameux décibel jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h, tout le monde dehors. Tout le monde dehors sur France Bleu Roussillon. Bleu Roussillon. Oh baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. sont pas de la Jamaïque, hein. Ils adorent le reggae, mais ils sont de Californie. Ils s'appellent Big Mountain et reprenaient ce grand succès de Pete Frampton. Oh baby, I love your way. Le chemin, justement, nous on prend celui de Sainte-Marie-la-Mer pour retrouver Alexandre. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour. Alexandre, avant de parler des rendez-vous à venir, juste rapide petit retour en arrière. La Noche Marinoise, vraiment un succès énormissime. Oui, oui, vraiment un très, très grand succès. On est très content d'avoir vu tout ce beau monde dans toujours une très, très bonne ambiance, en plein cœur du village. Voilà, on s'est vraiment régalé. Bon, mis à part, bien sûr, la pluie. Mais Noche Marinoise pluvieuse, Noche Marinoise heureuse. Oui, voilà, c'est ça. Il faut retenir surtout le positif. Exactement. Alors, ça, c'est pour faire râler ceux qui ont loupé le rendez-vous. Mais il y en a d'autres que vous nous proposez, par exemple. Oui, alors, écoutez, déjà ce soir, vous avez un cabaret directement sur la place Pierre Roche, hein, en parlant directement de ce soir, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui est quand même assez sympa. Alors, voilà. Ensuite, nous avons quand même 3 jours de fête, hein, sur Sainte-Marie, le 14 août, le 15 août et le 16 août. On a 3 jours de fête sur Sainte-Marie. On va commencer par le 14 août, hein. Avec la marinade pour les enfants, attention. Hein, c'est pas véritablement une course, mais il y a plein de défis pour les enfants. Voilà, c'est directement à l'ère des festivités à partir de 9h jusqu'à 11h30, hein, d'accord. Ensuite, vous avez la marinade, hein, cette belle marinade sainte-marinoise. Donc c'est aujourd'hui qui nous tient vraiment à cœur. On attend 1000 personnes, enfin, peut-être même plus de 1000 personnes. Hein. Nous avons à peu près 600 réservés déjà, donc c'est quand même pas mal. Il reste de la place ? Oui, il reste de la place, hein, il y a toujours de la place. C'est 13 euros l'inscription sur place ou 11 euros directement sur le site. Voilà. Ensuite, vous avez sur la place Agora, s'il y aura la marinade, on a un concert, d'accord ? Sur la place Agora, 21h30. Ensuite, le mardi 15 août, nous avons la messe en plein air. Donc c'est assez sympa pour ceux qui aiment tout ce qui est messe en plein air avec la Cobla, Mininaria. C'est à partir de 10h30. Hein, c'est pareil, c'est gratuit. On a souvent des animations gratuites à Sainte-Marie. Bon, la messe, c'est souvent gratuit en même temps, Alexandre. Oui, non, mais pour tout ce que je viens de vous dire, également. On est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. Vous avez une sardane sur la place Pierre Roche à 11h30. Et ensuite, un concert, pareil, un bal dansant également sur la place Pierre Roche. Tout se situera, tout est axé, on va dire, sur le village le 15 août. Vous l'avez bien compris, quand le village s'appelle Sainte-Marie, le 15 août, on fête comme il se doit Marie. Voilà, c'est ça, impeccable. Donc aujourd'hui, je vais vous parler également du 16 août. S'il vous plaît. Pour le 16 août, nous avons la fête de la mer et des marins, donc c'est la fête du port. Avec une bénédiction des bateaux, un cortège, un dépôt de gerbes en mer, un concert également, et des animations toute la journée. Hein ? Il n'y a pas un feu d'artifice aussi ? Ah oui, mais c'est un peu plus tard. Ça, c'est à partir de 10h, ce que je viens de vous dire. Ah d'accord, encore. Je crois qu'on était déjà dans la soirée, moi. Non. D'abord, il y a le matin, hein, à 10h, on commence, en douceur sur le port. Et ensuite, bien sûr, on a un orchestre feeling à 21h30. Et pour finir, également, avec le feu d'artifice. Là, c'est assez sympa parce que c'est sur... on a un orchestre après sur la plage et tout ça. C'est quand même assez sympathique. Donc, il faut venir voir. Et bien sûr, sécurisé. Hein, on a quand même sécurisé, comme d'habitude pour ceux qui viennent, le secteur. Hein, voilà. Mmh. Eh bien, écoutez, ça laisse déjà de quoi donner envie de venir vous rejoindre. On va fêter le 15 août pendant plusieurs jours. On va pas se contenter du 15 août simplement. À Sainte-Marie, on fête Marie pendant plusieurs jours avec beaucoup d'animation. Et je vous souhaite le meilleur et encore beaucoup de monde. Et alors là, le temps sera de la partie, Alexandre. Oui, j'espère. Ok. Normalement, c'est prévu. Voilà, super. Merci. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, dans un instant, nous, on partira au cinéma, voir ce qu'il y a du côté du CGR à Rivesaltes. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in peace. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle. Let the rest in peace. Voilà, Benson Boone, associé à Philippine Lavray pour ce gros succès 2023, In the Stars. Tiens, on parle de succès, mais là, ce sont des succès au cinéma dont on va parler avec vous, Noureddine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, on va parler du cinéma CGR à Rivesaltes avec une programmation cet été qui est là pour satisfaire absolument tout le monde, que ce soit les enfants, les ados ou les personnes plus âgées. Exactement, ouais, bah, ce qui fait la richesse du cinéma justement, c'est la programmation complètement éclectique que nous avons et qui fait le succès que voilà, pas surpris, je vais pas dire ça, mais le succès qu'on connaît avec Barbie notamment, Oppenheimer, et les sorties même toutes récentes comme un moment très trouble. Et là aujourd'hui, la sortie de Gran Turismo, Tortue Ninja et puis nous excuser pour la gêne occasionnée. Dites-moi, qui va voir Barbie? Vous avez regardé un petit peu le type de spectateur? C'est oui, varié. Je l'ai observé. Après, c'est pas un profil type, justement, ça touche tout le monde. C'est vraiment de 7 à 77 ans, mais c'est vraiment tous les profils de personnes qui y vont, aussi bien masculin que féminin aussi. Donc complètement. Toujours moi. Toutes les générations et toutes les tranches d'âge, donc il n'y a pas un type prédéfini par rapport à Barbie, parce que en dehors de l'image de Barbie, en fait, le film, il y a vraiment un fond dans le film, quoi. Il y a un message qui est transmis à travers le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'est un film qui, pour moi, restera assez universel dans son approche, quoi. Bah, en tout cas, il a quand même réuni 1 milliard de recettes pour l'instant. Tout à fait, oui. Donc preuve que ça marche. Alors, certains qui l'ont vu, moi j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais certains qui l'ont vu, on dit il y a deux regards. Si on le regarde au premier degré, c'est une chose. Si on le regarde au second degré, c'est excellent. Voilà, bon, voilà ce qu'on m'a dit. Il y a plusieurs lectures dans le film. Il y a une lecture pour les enfants, justement, parce que ça reste une poupée dans l'imaginaire collectif, on va dire. Donc, avec le monde de paillettes, enfantin et tout ça. Il y a aussi un regard adulte par rapport au message véhiculé un peu plus féministe, on va dire, vis-à-vis de la position de la femme dans la société d'aujourd'hui. Et après, oui, moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre ça au premier degré, parce que il y a des choses qui sont un peu grosses, on va dire. Mais le message reste, pour moi, assez beau, quoi. Voilà, et puis alors, un autre gros succès, bon, je parle pas d'Ethan Hawke avec Mission Impossible, ou Indiana Jones, bien sûr, avec les fidèles qui sont des inconditionnels, mais Oppenheimer, c'est aussi l'occasion de venir vous voir au cinéma, alors ça dure 3 heures, mais par contre, à la sortie, on a un doctorat en Oppenheimer, on sait tout sur tout. Alors, je sais pas si on a un doctorat en fusion nucléaire, mais parce que moi, personnellement, il y a des passages assez compliqués là-dessus par rapport à ça, justement, parce que connaissant Nolan, voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup dans le détail, dans sa recherche, justement, qui se documente beaucoup par rapport au sujet qu'il traite. Et du coup, ça va beaucoup dans le détail, justement, comme par rapport à Interstellar sur tout ce qui est spatial. Mais là, ça va encore plus loin par rapport à la fusion nucléaire, parce que là, c'est beaucoup plus terre à terre, on va dire. C'est des choses qu'on connaît concrètement. Mais oui, ça reste un beau biopic sur un personnage assez controversé, on va dire, de l'histoire d'aujourd'hui. Eh ben, écoutez. Belle programmation, Jason Statham qui se bat contre des grosses bestioles. Il rentre un peu l'été, c'est toujours du bien. Exactement. Il prend le frais, lui. Aujourd'hui, ouais, comme je disais, il y a Gran Turismo, donc le aussi. Film qui est sorti, tiré du jeu vidéo éponyme, voilà, qui retrace là, c'est une histoire vraie aussi, c'est un nouveau biopic, en fait, qui retrace l'histoire vraie d'un joueur qui est devenu un vrai pilote de Gran Turismo. À partir de quelle heure commencent les premières séances à Rivesaltes? À partir de 10h30. Parfait. Et t'arrives, bien sûr, t'arrives groupe, t'arrives famille, il y a toujours des solutions pour venir se régaler. Le pop-corn a toujours son succès? Le pop-corn est toujours au rendez-vous, oui, il a toujours son succès, il a toujours sa place dans nos salles. Ça marche. Merci, et puis je rappelle qu'en étant fidèle à France Bleu Roussillon, en jouant au petit baigneur, tiens, dans un instant, vous pourrez peut-être gagner un passe-famille, justement, pour aller voir le film de votre choix, Gran Turismo, qui vient de sortir, pourquoi pas, au cinéma CGR de Rivesaltes. Merci d'avoir été avec nous, Noureddine, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. France Bleu Roussillon présente Skip the Use au festival La Cerise sur le Château. La Cerise sur le Château, le 11 août. 8 o'clock in the morning, too hot to give, too hot to live. Au programme de la soirée, Mercé, Anakova, Lodgers et Voodoo Game. La Cerise sur le Château, c'est du 11 au 13 août au Château de Biry à Céret et sur lacerisesurlechâteau.com. Vos places sont sur France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon, la radio officielle du festival. France Bleu. Votre enfant aime rire, bouger, sauter, jouer. Alors offrez-lui une journée inoubliable. Le samedi 12 août, c'est la fête des Pitchouns à Prats de Moyeux-la-Prest. De 10h30 à 18h, rendez-vous sur la place du Foiral. Au programme, chevaux roulants, taureaux électriques, murs d'escalade, laser game, jeux en bois, structures gonflables et bien d'autres animations. Tarif 5 euros, restauration sur place. Belle idée. France Bleu Roussillon. Les petits baigneurs sont de retour. J'ai envie de sauter dans l'eau. Sur France Bleu Roussillon. Moi aussi, un truc de ouf. Pour aller au cinéma, je vous le disais là, il y a un instant avec Noureddine au cinéma CGR de Rivesaltes, ou pourquoi pas aller voir aussi le film de votre choix au Club Ciné, que ce soit le cas de Barcarès ou Canet en Roussillon. Il y a aussi à gagner par exemple une balade en mer pour deux avec coucher de soleil par exemple au programme grâce à Cap-Mer au départ de Port-Argelès. Ou alors repartir avec un panier garni d'une valeur de 50 euros pour vous régaler. C'est un panier offert par les producteurs du marché de Castelnau tous les mardis de l'été. 04 68 35 20. Appelez maintenant et jouez avec les petits baigneurs de France Bleu Roussillon. Shakes and it bends, don't give a damn. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me a le rythme dans le sang, Dua Lipa, Dance the Night. Le 6-9 France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Bonjour les amis, on se réveille avec les festivités des PO pour profiter de la vie en vacances ou après le boulot. Demain matin, votre invité Charles-Élie Couture. Il est en concert ce vendredi soir au Théâtre de Verdure de Juègue à Toreil. Charles-Élie Couture, demain 7h40 dans le 6-9 de l'été France Bleu Roussillon. À demain. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Roussillon, ici, on parle d'ici. Tout l'été, il vise pour vous la bonne bouée. Les petits baigneurs de France Bleu Roussillon. Et parfois, ils ramènent de la bouée, deux entrées, un jour de parc pour Port Aventura Park ou Ferrari Land près de Salou, entre Barcelone et Tarragone, ou encore des passe-famille pour la vallée des Tortues à Sorède, ou pour une belle balade le long de la vallée de l'Agly dans le petit train rouge du pays Qatar. Bonjour Mounir. Bonjour, ça va ? Comment allez-vous ? Ça va, merci. Ouais, vous êtes sur Perpignan, hein ? Oui, sur Perpignan, oui. Tout ok. Fait. Tranquille, ça va ? Ce mois d'août ouais, se passe comment ? Je viens de finir le boulot. Ouais. Vendredi, je suis en vacances. Vendredi en vacances. Et vous savez quoi ? Y a plus personne qui... Si vous êtes le troisième ou quatrième gagnant d'un jeu cet après-midi qui m'explique que vendredi est en vacances. Voilà, donc il n'y a plus personne qui travaille. Plus personne travaille, ça y est, c'est fini, on est à l'arrêt. Bah écoutez, c'est le mois d'août hein, en même temps. Ouais, tout à fait. Vous restez ici, vous partez un peu ? Non, ouais, non, dans le coin, on va ici. Dans le coin, on a la mer, on a le soleil, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Rien, ouais. Et les petits baigneurs. Voilà, tout à fait. Allez. Concentration extrême. Oh, c'est chaud. Allez. Il a fait vite, il était dans la basse. Ah, dans la basse. Ouais, ça va vite, hein. Oui. Tiens, d'ailleurs, sur les quais de la basse demain, les rayonnantes avec une soirée disco, hein. Youhou. Ah, c'est bien. On va danser, hein, avec les tubes des années fin 70, des années 80. Okay. Bon Mounir, qu'est-ce qu'il a ramené ce petit baigneur pour toute la famille ? Je vais pas vous demander si ça fait longtemps que vous avez vu le loup, Mounir, mais vous allez pouvoir voir les loups. D'accord. Puisque vous venez de gagner un passe-famille pour le parc animalier de Castel en Conflans. D'accord, merci c'est beaucoup. C'est assez extraordinaire. Vous allez voir des animaux en liberté. Il y a deux parcours. Tout ça est allé sur 20 hectares. Il y a une possibilité, mais ça faut s'organiser, de dormir justement dans la tanière des loups, oh, la fameuse. Oui. C'est okay. Ouvert tous les jours de 10h à 19h30. Vous avez été déjà ? Il y a un moment déjà. Et là, ça a changé. Ça a changé. L'herbe a poussé. Non, mais il y a plein d'animaux. Certains ont grandi, justement, ça va être l'occasion d'y retourner. Ok ? D'accord. Merci beaucoup. Et puis, bonnes vacances vendredi. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Cet été, c'est France Bleu Roussillon qui invite avec les petits baigneurs. Le plus important de ce siècle, Coldplay, et c'est sur France Bleu Roussillon. Ils chantaient Clocks, les horloges. Tiens, justement, tic-tac, tic-tac, on s'approche, on est mercredi soir. Et dans deux soirs, nous serons le vendredi, jour de lancement du festival La Cerise sur le Château à Aubiry, à Céré, avec trois jours de festivités et de musique. Le premier soir, il y aura Skip the News, par exemple, le dernier Sean Paul. Et pour le samedi 12 août, belle distribution avec Henri PFR ou encore Balbino Medellin. Il chantera sûrement Perpignan à Céré à Balbino. Il y aura aussi Mossimane et bien sûr Cali. Elle m'a dit la la la la la la la. Alors si vous voulez assister à ce festival La Cerise sur le Château, nous avons deux places pour cette soirée du 12 août. Vous n'aviez absolument rien prévu encore, vous avez une soirée de libre, nous allons bien vous offrir ces deux places. Comment fait-on ? 04 68 35 5000. Vous y serez, Balbino Medellin, Henri PFR, Mossimane et Cali sur scène pour samedi dans le cadre d'Aubiry, le château d'Aubiry à Céré, festival La Cerise sur le Château avec France Bleu Roussillon, bien évidemment. Oh, oh, oh. t'appeler comment? Non, moi je m'appelle pas Laurent. Je m'appelle Patrick. Mais je porte pas de lunettes. Vous êtes qui? Laurent. C'est Patrick, moi. Bon, elle insiste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À l'époque, quand la chanson est sortie de Laurent Voulzy, Les Nuits sans Quimoile, quand elle parlait à la fin, on voulait tous s'appeler Laurent et on voulait tous porter des lunettes. Je sais pas pourquoi. Bon allez, revenons en 2023, direction la Cerise sur le Château. Bonjour Francisco. Bonjour. Vous appelez pas Laurent, vous? Non, pas Laurent, non. Francisco, ah, bon, vous portez pas de lunettes, hein? Non. Bon, ben voilà, pas de chance avec Kimoal. Tant pis. Ah. Tant pis. C'est pas grave. Mais, ouais, vous n'avez pas l'air perturbé en même temps. Hein. Comment? Vous n'avez pas l'air perturbé en même temps. Non, ça va. Non. Alors, samedi 12 août, par contre, sans lunettes et en vous prénommant Francisco, vous serez du côté d'Aubiry, à Serré, pour assister à ce festival La Cerise sur le Château, Balbino Medellin, Henri PFR, Mossiman et Cali, bien sûr. Le top. Le top, hein, comme vous dites. On ne peut pas mieux. Voilà. Le festival, c'est le meilleur. C'est un festival France Bleu Roussillon. On est ravis d'être dans cet événement important du Val-Espire. Et puis, comme vous dites, un Cali sur scène, c'est à voir absolument. Oui, oui, tout à fait. Vous y serez avec la personne de votre choix. Vous allez passer un bon moment. Régalez-vous. Et merci de votre fidélité à France Bleu Roussillon. Belle soirée à Poyez, Francisco. En vous remerciant. Passez une bonne soirée à vous aussi. Numéro 1, France Bleu Roussillon. Numéro 1, à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est grâce à vous. En compagnie de Sébastien Giraud et Jérôme Nollet, notre jardinier à France Bleu Roussillon, nous partons au jardin. Et mon cher Sébastien, vous allez nous expliquer l'art de margoter. Oui, l'art de marqueter pour aujourd'hui avec Jérôme Nollet, notre jardinier, pour son conseil sur France Bleu Roussillon. Bonjour Jérôme. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le rhododendron s'appelle comme ça, mais se prononce ainsi alors qu'il ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Non. Ah ben non. Rhododendron. Avec un E. Alors, il y a une technique particulière, c'est le marcotage. Ben oui, on va marcoter parce que ben c'est vrai que si vous avez un rhododendron qui est magnifique et qui plaît à vos amis, qui fait des envieux, eh ben on va le multiplier tout simplement. Voilà. Eh oui, copier-coller, allez. Ben on va essayer de faire un copier-coller. Hein. Alors c'est vrai que de suite souvent on pense à la bouture, mais eh ben non. Oui. Non. Mais ça va plus vite en marcotant? Ben oui, il est possible de le marcoter. Donc c'est une technique de multiplication sans effort et qui donne de meilleurs résultats que la bouture. En plus. Donc, alors on va commencer par sélectionner une belle branche donc à la base de la plante. Mmh. Elle doit être suffisamment longue et souple afin de la courber. D'accord. Parce que le marcotage c'est ça en fait. On prend la plus belle branche qui va être à la base de la plante. Courbe. On va la courber parce qu'on va faire un trou dans le sol. Ouais. D'environ, on va dire, 20 cm de profondeur sur 30 cm de large. Et on va remplir avec un mélange de sable et un mélange de terreau. D'accord. Et la branche, on va la mettre à l'intérieur du trou. On va remplir et puis après on tasse bien, puis on arrose tout simplement. Et comment ça marche ensuite? Ça se casse automatiquement? Ça... Non, ça se casse pas parce qu'en fait la branche, elle est quand même relativement souple. Ouais. Et puis voilà, donc elle va se plier naturellement. Alors faut quand même y aller délicatement. Ouais, Moi, ce que je conseille, c'est de gratouiller un peu la tige qui va être dans le trou. On la gratte superficiellement, d'accord. Oui. Et c'est à partir de là, en fait, ça va créer une blessure, donc une blessure sur la branche, et c'est à partir de là que vont apparaître les nouvelles racines. Mmh, voilà. D'accord. C'est le principe du marcotage. Et bon, ouais. Moi, je conseille quand même d'attendre une année, hein, le temps que les racines se fassent, et après, à un moment donné, on va pouvoir détacher donc la marcotte, hein, du pied mère. En fait, c'est une comme séparation si on coupait le cordon donné. Ombilical. Hein. Voilà. Oui. Oh, c'est poétique. Et tout un symbole aussi, en même temps, hein, en soi. Nouvelle naissance. Voilà. On marque. marcotte les rhododendrons. Ouais. Là, vous laissez faire la nature et voilà. Il y a juste à apporter un petit peu d'humidité quand même régulièrement. Ouais. Et la nature fera le reste. Parfait. Marcotter les rhododendrons, un épisode de Mon Jardin à réécouter. Oui, à la carte, absolument. Sur l'application ici, par France Bleu et France 3, ça s'appelle Mon Jardin. C'est avec Jérôme Nollet. Merci Jérôme, à demain. À demain. Aviez-vous déjà marcotté le rhododendron? Non, et bien maintenant, vous ne pourrez plus le dire. Do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she? Sur France Bleu, Roussillon et son grand succès Strong Enough. De la musique, il y en aura ce soir si vous allez du côté du port à Saint-Cyprien pour déambuler au milieu des stands d'El Market, le marché qui vous est proposé, ce marché atypique où il y a des stands d'artisans locaux, il y a également des découvertes de produits. Vous pouvez manger un morceau, vous pouvez boire quelques vins avec modération du département, et puis il y a plein de bonnes choses, on peut y aller en famille parce que avec les ados, par exemple, il y a des initiations au skate avec Brave Art et 66 skaters. Il y a des jeux en bois pour les plus petits et avec Alors tu joues. Et puis ce soir, il y a du craquage hockey. Cuz Show, le craquage hockey. C'est un karaoké costumé avec Slimy et Maggie qui sont là pour révéler la star peut-être qui sommeille en vous. Vous ne le savez pas encore. Alors vous allez pouvoir passer un bon moment parce que ils vous mettent à disposition des costumes dans des costumes divers et variés. Vous pouvez choisir celui qui vous va bien, celui qui vous fait plaisir, celui qui vous a toujours fait rêver. Ensuite, vous choisissez la chanson qui va enflammer le dance floor. Et à ce moment-là, à vous la scène. Ça s'appelle du craquage hockey. C'est ce soir à El Mercat. Ensuite, il y aura de la musique avec un DJ Lounge qui vous proposera du soul, de la musique soul et du funk. Et puis, pour la colline des rêves, c'est un atelier créatif pour les enfants et adultes. Pour le cinéma, il y a la projection puisqu'il sort aujourd'hui en plein air de Grand Turismo. El Mercat, c'est à Saint-Cyprien avec l'ami Raph Dumas. Un communiqué de la préfecture des Pyrénées-Orientales justement sur les risques incendies pour demain jeudi 10 août. Attention, votre mégot peut brûler la forêt. Soyez vigilants. Le risque incendie pour demain jeudi est élevé pour la Cerdagne, dans les Fenouillèdes, les Aspres, les Corbières, la plaine du Roussillon et les Alberts, c'est-à-dire une grande partie du département. Soyez donc très vigilants. Non, pour qu'habiter. Ya no sé con fer me arriba hasta las mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar. Ja no sé com fer me arriba hasta les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. Per tres l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No crec històries inventades. De tu ja no puc creure res. Ahir vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseïa info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding. Tira la manta, peli de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res. Boti Marcoti, Boti Marcoti. Intento no creuar-te la mirada. Boti Marcoti, Boti Marcoti. No em crec històries inventades. Boti Marcoti. De tu ja no em puc creure res. Coty, Michel, Coty, Coty, c'était The Tayettes. Allez, un point sur la météo des plages pour vous demain. Tiens, si on allait sur la plage des Pins à Argelès-sur-Mer, on annonce une mer belle toute la journée, également en soirée, avec un vent faible aux alentours des 10 km/h, un vent orienté à sud-sud-ouest. Pour les températures, vous pourrez avoir 23 degrés demain avec des nuages d'altitude, du beau soleil demain après-midi avec 28 degrés. Le temps qui sera nuageux demain en soirée, mais vous aurez 26 degrés à la plage. Passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires.